Le porte-parole du Comité national pour la paix de Corée a lancé le 13 un entretien. En voici le résumé. Maintenant, en Corée du Sud, s'acharne au fil des jours la lutte de toutes les couches sociales contre la lèse majesté de la bande de Bakouni, qui cherche à disposer en Corée du Sud le SAD de nature agressive sous la baguette des États-Unis. Ahurie, la bande des traîtres recourt à la ruse de toutes sortes pour apaiser l'opinion publique indignée de toutes les couches sociales sud-coréennes, notamment les habitants de la région choisie pour la disposition de SAD. Pour preuve, ces derniers jours, Bakouni a appelé à la Maison Bleue des parlementaires issus de Daegu et de la province du Gyeongsang du Nord et déclaré que s'il y aurait une région recommandée par l'arrondissement de Songju, elle examinera s'il y aura une nouvelle région adéquate à la place de la forteresse de Songsan à l'intérieur de l'arrondissement de Songju. Par ailleurs, par suite des absurdités de Park Geun-hye sur l'examen de la région tertiaire, les fonctionnaires du ministère sud-coréen de la Défense ont bien du mal à l'éclaircir, alors que même les États-Unis intimident Park Geun-hye de ne pas autoriser le troisième emplacement. En effet, les propos absurdes de la gouvernante sur l'examen de la troisième région montrent qu'elle a reconnu elle-même la nocivité mortelle de SAD contre le corps humain et l'environnement des alentours, et aussi des catastrophes redoutables qui ravageront toute la Corée du Sud, comme l'intérieur et l'extérieur du pays, commentent comme un seul. Ainsi, le SAD qui menace gravement la vie des Sud-Coréens et aussi le sort de tous les compatriotes en détruisant la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et le reste de l'Asie Nord-Est n'est rien d'autre que le foyer de malheur et de désastre partout en Corée du Sud. Tous les compatriotes du Nord, du Sud et d'outre-mer attachés à la paix contre la guerre sont invités à lutter plus vigoureusement contre la disposition de SAD de la bande de Bakouni qui continue à commettre des crimes de haute trahison contre la nation et l'histoire.